Chapitre 36e. Mademoiselle de Boisménil, en voyant s'avancer Herminie, fut si frappée de sa beauté surprenante qu'elle ne remarqua pas l'affectation de boiterie que s'était imposée la duchesse afin de ne pas danser de toute la soirée. Si l'on n'a pas deviné, l'on saura plus tard le motif de ce renoncement à la danse, si rare chez une jeune fille. Quelle fut donc la surprise d'Ernestine lorsque la duchesse, s'asseyant à ses côtés, lui dit de la manière du monde la plus aimable « Je suis autorisée par Madame Herbault, mademoiselle, à venir, si vous le permettez, vous tenir un peu compagnie et à remplacer auprès de vous, mademoiselle Herbault. » « Allons, on a du moins pitié de moi, » se dit d'abord mademoiselle de Boisménil avec une humiliation douloureuse. Mais l'accent d'Herminie était si doux, si engageant, sa charmante physionomie si bienveillante, qu'Ernestine, se reprochant bientôt l'amertume de sa première impression, répondit à la duchesse « Je vous remercie, mademoiselle, ainsi que madame Herbault, d'avoir bien voulu vous occuper de moi, mais je craindrais de vous retenir et de vous priver du plaisir de danser. » dit Herminie, en souriant et en interrompant Ernestine. « Je puis vous rassurer, mademoiselle, j'ai ce soir un affreux mal au pied qui m'empêchera de figurer dans le bal. » Mais vous voyez qu'à ce grand malheur, je trouve auprès de vous une compensation. En vérité, mademoiselle, je suis confuse de vos bontés. Mon Dieu, je fais tout simplement ce que vous auriez fait pour moi. J'en suis sûre, mademoiselle. Si vous m'aviez vue isolée, ainsi que cela arrive toujours lorsque l'on vient pour la première fois dans une réunion. Je ne crois pas, mademoiselle, répondit mademoiselle de Boisménil en souriant et mise à l'aise par les gracieuses avances d'Herminie. « Je ne crois pas que, même la première fois où vous paraissez quelque part, vous restiez jamais isolée. »« Ah, mademoiselle, mademoiselle !» répondit gaiement Herminie. « C'est vous qui allez me rendre confus si vous me faites ainsi des compliments. »« Oh, je vous assure que je vous dis ce que je pense, mademoiselle !» répondit si naïvement Ernestine que la duchesse, sensible à cette louange ingénue, reprit. « Alors je vous remercie de ce qu'il y a d'aimable dans vos paroles. Elles sont sincères, je n'en doute pas. » « Pour juste, c'est autre chose. Mais dites-moi, comment trouvez-vous notre petit bal ?»« Charmant, mademoiselle. N'est-ce pas ? C'est si gai, si animé. Comme on emploie bien le temps. Que voulez-vous ? Il n'y a qu'un dimanche par semaine. Aussi, pour nous tous qui sommes ici, le plaisir est vraiment un plaisir. Tandis que pour tant de gens, dit-on, c'est une occupation, et des plus fatigantes encore. Rassasiés de tout, ils ne savent que s'imaginer pour s'amuser. » « Et croyez-vous qu'il s'amuse au moins, mademoiselle ?»« Non, car il me semble que rien ne doit être plus triste que de chercher si péniblement le plaisir. »« Oh oui, cela doit être triste aussi que de chercher une affection vraie lorsqu'on est aimé de personne, » dit involontairement Ernestine, cédant à l'empire de ses tristes préoccupations. Il y eut tant de mélancolie dans l'accent de la jeune fille et dans l'expression de ses traits en prononçant ces mots qu'Herminie se sentit émue. « Pauvre petite, » pensa la duchesse, « sans doute elle n'est pas aimée de sa famille. » Puis l'espèce d'humiliation qu'elle a dû ressentir en se voyant délaissée par tout le monde doit l'attrister encore, car je n'y songeais pas, elle est là, toute seule, sur cette banquette, exposée comme un spectacle, aux moqueries peut-être. Le hasard vint confirmer les craintes d'Herminie. Les évolutions de la contredanse, ayant ramené devant Ernestine la jeune fille aux vives couleurs et son cavalier aux gants vert pomme, la duchesse surprit quelques regards de compassion jetés par la préférée sur la délaissée. Ces regards, mademoiselle de Boisménil les surprit aussi. Elle se crut pour tout le monde l'objet d'une pitié moqueuse. À cette pensée, elle souffrait visiblement. Que l'on juge de sa reconnaissance pour Herminie, lorsque celle-ci lui dit, en tâchant de sourire, car elle devinait la pénible impression d'Ernestine, « Mademoiselle, voulez-vous me permettre d'agir avec vous sans façon ?» « Certainement, mademoiselle. Eh bien, je trouve qu'il fait horriblement chaud. Si vous le vouliez, nous irions nous asseoir dans la chambre de madame Herbault. »« Oh, merci, mademoiselle, » dit Ernestine en se levant vivement et en attachant sur Herminie son regard ingénu, qu'une larme furtive rendit humide. « Oh, merci, » répéta-t-elle tout bas. « Comment, merci ?» lui dit Herminie avec surprise en lui donnant le bras. « C'est au contraire à moi de vous remercier puisque pour moi vous consentez à quitter la salle de bal. Et moi je vous remercie parce que je vous ai comprise, mademoiselle. » reprit Ernestine en accompagnant la duchesse dans la chambre à coucher de madame Herbault, où les deux jeunes filles ne trouvèrent personne. Maintenant que nous voilà seuls, dit Herminie à Ernestine, expliquez-moi donc pourquoi vous m'avez remercié lorsque tout à l'heure, mademoiselle, dit Ernestine en interrompant la duchesse, vous êtes généreuse, vous devez être franche. Mademoiselle, c'est ma qualité, ou mon défaut, répondit Herminie en souriant. Eh bien, voyons pourquoi cet appel à ma franchise. Tout à l'heure, lorsque vous m'avez prié de vous accompagner ici sous prétexte qu'il faisait trop chaud dans la salle de bal, vous avez écouté votre bon cœur, vous vous êtes dit « Cette pauvre jeune fille est délaissée. Personne ne l'a invitée à danser parce qu'elle n'est pas jolie. Elle reste là comme un objet de risée, elle souffre de cette humiliation. À cette humiliation, je vais la soustraire en l'amenant ici sous quelque prétexte. Vous vous êtes dit cela, n'est-ce pas ?» ajouta mademoiselle de Beauménil, en ne cherchant pas à cacher cette fois les larmes d'attendrissement qui lui vinrent aux yeux. « Avouez que je vous ai deviné. » « C'est vrai, » dit Herminie avec sa loyauté habituelle. « Pourquoi n'avouerais-je pas l'intérêt que votre position m'a inspiré, mademoiselle ?»« Oh, merci encore, » dit Ernestine en tendant la main à Herminie. « Vous ne savez pas combien je suis heureuse de votre sincérité. »« Et vous, mademoiselle, » reprit Herminie en serrant la main d'Ernestine, « puisque vous voulez que je sois franche, vous ne savez pas combien tout à l'heure vous m'avez fait de peine, moi, sans doute. Lorsque je vous disais que ce devait être une chose triste que de chercher péniblement le plaisir, vous m'avez répondu avec un accent qui m'a serré le cœur. Oui, c'est aussi triste que de chercher une véritable affection lorsqu'on est aimé de personne. Mademoiselle, reprit Ernestine embarrassée, oh, en disant cela, vous aviez l'air navré. Il ne faut pas le nier. Ne vous ai-je pas donné l'exemple de la franchise ? C'est vrai, mademoiselle. En cela, je ne vous imitais pas. Eh bien, reprit Herminie en hésitant, permettez-moi une question, et surtout, ne l'attribuez pas à une indiscrète curiosité. Vous ne rencontrez peut-être pas, parmi les vôtres, l'affection que vous pourriez désirer ? Je suis orpheline, répondit mademoiselle de Beauménil d'une voix si touchante qu'Herminie tressaillit et sentit son émotion augmenter. « Orpheline, » reprit-elle. « Orpheline, hélas, je vous comprends, car moi aussi. Vous êtes orpheline, oui. Quel bonheur !» dit vivement Ernestine. Mais pensant aussitôt que cette exclamation involontaire devait paraître cruelle ou au moins bien étrange, elle ajouta « Pardon, mademoiselle, pardon, mais... à mon tour, je vous ai deviné. » reprit Herminie avec une grâce charmante. Quel bonheur veut dire ? Elle sait combien le sort d'une orpheline est triste, et peut-être elle m'aimera. Peut-être en elle je trouverai l'affection que je n'ai pas rencontrée ailleurs. Est-ce vrai ? Ajouta Herminie en tendant à son tour la main à Ernestine. N'est-ce pas que je vous ai deviné ? Hélas oui, c'est vrai. Répondit Ernestine, cédant de plus en plus à l'attrait singulier que lui inspirait la duchesse. Vous avez été si bonne pour moi. « Vous semblez si sincère que j'ambitionnerai votre affection, mademoiselle, mais ce n'est qu'une ambition, je n'ose pas même dire une espérance, » reprit timidement Ernestine, « car vous me connaissez à peine, mademoiselle. Et moi, me connaissez-vous davantage ? Non, mais vous, c'est différent. Et pourquoi cela ? Je suis déjà votre obligé, et je vous demande encore. Et qui vous dit que cette affection que vous me demandez, je ne serais pas heureuse de vous l'accorder en échange de la vôtre ? Vous semblez si à plaindre, si intéressante. » reprit Herminie qui, de son côté, ressentait un penchant croissant pour Ernestine. Mais, devenant tout à coup pensive, elle ajouta « Savez-vous que cela est bien singulier ? Quoi donc, mademoiselle ?» demanda Ernestine, inquiète de la gravité des traits de la duchesse. « Nous nous connaissons depuis une demi-heure à peine, j'ignore jusqu'à votre nom, vous ignorez le mien, et nous voici déjà presque aux confidences. »« Mon Dieu, mademoiselle, » dit Ernestine, d'un air craintif, presque suppliant, comme si elle eût redouté de voir Herminie revenir par réflexion sur l'intérêt qu'elle lui avait jusqu'alors témoigné. Pourquoi vous étonnez de voir naître soudain l'affection et la confiance entre le bienfaiteur et l'obligé ? Rien ne rapproche, laissez-moi dire, ne lie plus vite et davantage que la compassion d'un côté et que la reconnaissance de l'autre. J'ai trop besoin d'être de votre avis, reprit Herminie, moitié souriant, moitié attendri. J'ai trop envie de vous croire pour ne pas accepter toutes vos raisons. Mais ces raisons sont réelles, mademoiselle, dit Ernestine, encouragée par ce premier succès et espérant faire partager sa conviction à Herminie. Et puis enfin, Voyez-vous, notre position pareille contribue encore à nous rapprocher l'une de l'autre. Être toutes deux orphelines, c'est presque un lien. Oui, dit la duchesse en serrant les mains d'Ernestine entre les siennes. C'est un lien doublement précieux pour nous, qui n'en avons plus. Ainsi, votre affection, dit Ernestine en répondant avec bonheur à la cordiale étreinte d'Herminie, votre affection, vous pourrez un jour me l'accorder ? Tout à l'heure, dit la duchesse, sans vous connaître, j'étais touchée de ce que votre position avait de pénible. Maintenant, il me semble que je vous aime parce que l'on voit que vous avez un bon cœur. Oh, vous ne pouvez pas savoir tout le bien que me font vos paroles, dit mademoiselle de Beauménil. Je ne serai pas ingrate, je vous le jure, mademoiselle. Mais se reprenant, elle ajouta, mademoiselle, non, il me semble que maintenant il me serait difficile de vous appeler ainsi. Et il me serait tout aussi difficile de vous répondre sur ce ton cérémonieux, dit la duchesse. Appelez-moi donc Herminie, à condition que je vous appellerai Ernestine. Ernestine ? Dit vivement Herminie en se souvenant que c'était le nom de sa sœur. Nom que la comtesse de Beauménil avait plusieurs fois prononcé devant la jeune artiste en lui parlant de cette fille si chérie. Vous vous nommez Ernestine ? Reprit Herminie. Vous parliez tout à l'heure de lien. En voici un de plus. Comment cela ? Une personne qui m'inspirait le plus respectueux attachement avait une fille qui se nommait aussi Ernestine. Vous le voyez, Herminie ? Dit mademoiselle de Beauménil. Combien il y a de raisons pour que nous nous aimions ? Et puisque nous voici amis, je vais vous accabler de questions plus indiscrètes les unes que les autres. Et moi donc ? Dit Herminie en souriant. D'abord, qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre profession, Herminie ? Je suis maîtresse de chant et de piano. Oh, que vos écolières doivent être heureuses, que vous devez être bonne pour elles. Pas du tout, mademoiselle, je suis très sévère, reprit gaiement la duchesse. Et vous, Ernestine, que faites-vous ? Moi ? Reprit mademoiselle de Beauménil assez embarrassée. Moi, je brode et je fais de la tapisserie. Et avez-vous au moins suffisamment d'ouvrages, cher enfant ? Lui demanda Herminie avec une sollicitude presque maternelle. Cette époque de l'année est la morte saison pour les travaux de ce genre. Je suis arrivé depuis très peu de temps de province pour rejoindre ici ma parente, répondit la pauvre Ernestine de plus en plus embarrassée, mais puisant une certaine assurance dans la difficulté même de sa position. Ainsi, vous concevez, Herminie, ajouta-t-elle, que je n'ai plus encore manqué d'ouvrage. En tout cas, si vous en manquiez, je pourrais, je l'espère, vous en procurer, ma chère Ernestine. « Vous, comment cela ?»« J'ai aussi brodé pour des marchands parce que, enfin, on peut se dire cela entre amis et entre pauvres gens quelquefois, mais le son me manquait et la broderie était ma ressource. Aussi, comme on a été très content de mon ouvrage dans la maison dont je vous parle, maison de broderie très importante d'ailleurs, j'ai conservé de bonnes relations. Je suis donc certaine que recommandé par moi, si peu de travail qu'il y ait à donner, vous l'aurez. » « Mais puisque vous brodez aussi, vous, Herminie, c'est vous priver d'une ressource en ma faveur. Et si vos leçons venaient encore à vous manquer, » dit Ernestine, délicieusement touchée de l'offre généreuse d'Herminie, « comment feriez-vous ? » « Oh, je n'ai pas que cette ressource-là, » reprit l'orgueilleuse fille. « Je grave aussi la musique. Mais l'important est que vous ayez de l'ouvrage assuré, voyez-vous, Ernestine, car hélas, vous le savez peut-être aussi, pour nous autres comme pour tous ceux qui vivent de leur travail. » Il ne suffit pas d'avoir bon courage, il faut encore trouver de l'occupation. Sans doute, car alors c'est bien pénible et comment faire ? Dit tristement Ernestine, en songeant pour la première fois au sort fatal de tant de pauvres jeunes filles, et se disant avec tristesse que sa nouvelle amie devait avoir connu la triste position dont elle lui parlait. Oui, c'est pénible, répondit mélancoliquement Herminie, se voir à bout de ressources. Quelque bon vouloir, quelque courage que l'on ait. Et c'est pour cela que je ferai mon possible pour que vous ignoriez ce chagrin-là, ma pauvre Ernestine. Mais dites-moi, où demeurez-vous ? J'irai vous voir en allant donner mes leçons, si ce n'est pas trop loin du quartier où je suis appelé, car malheureusement il faut que je sois très avare de mon temps. L'embarras de mademoiselle de Beauménil arrivait à son comble, embarras encore augmenté par la pénible nécessité d'être obligée de mentir. Pourtant, elle reprit en hésitant. « Ma chère Herminie, je serais bien contente de vous voir chez nous, mais ma parente... »« Pauvre enfant, je comprends, » dit Herminie en venant, sans le savoir, au secours d'Ernestine. « Vous n'êtes pas chez vous. Votre parente vous le fait durement sentir, peut-être. »« C'est cela, » dit Mademoiselle de Beauménil, ravie de cette excuse. « Ma parente n'est pas précisément méchante, mais elle est bourrue, » ajouta-t-elle en souriant. « Et puis, grognon. Oh, mais si grognon pour tout le monde que je craindrais. Cela me suffit, » reprit Herminie en riant à son tour. « Si elle est grognon, tout est dit. Elle n'aura jamais ma visite. Mais alors, Ernestine, il faudra venir me voir quelquefois quand vous aurez un instant. »« J'allais vous le demander, Herminie. Je me fais une joie, une fête, de cette visite. » « Vous verrez ma petite chambre comme elle est gentille et coquette, » dit la duchesse. Mais réfléchissant que peut-être sa nouvelle amie n'était pas si bien logée qu'elle, Herminie se reprit et ajouta « Quand je dis que ma chambre est gentille, c'est une façon de parler, elle est toute simple. » Ernestine avait déjà, pour ainsi dire, la clé du cœur et du caractère d'Herminie. Aussi, lui dit-elle en souriant « Herminie, soyez franche. » « À propos de quoi, Ernestine ?» « Votre chambre est charmante, et vous vous êtes prise de crainte de me faire de la peine, en pensant que chez ma mère grognon de parents, je n'avais sans doute pas une chambre aussi jolie que la vôtre. Mais savez-vous, Ernestine, que vous seriez très dangereuse si l'on avait un secret ?» répondit la duchesse en riant. « Vous devinez tout. » « J'en étais sûr. Votre chambre est charmante. » « Quel bonheur d'aller la voir !» Il ne s'agit pas de dire quel bonheur d'aller la voir, il faut dire... « Herminie, tel jour, je viendrai prendre une tasse de lait, le matin, avec vous. »« Oh, je le dis de grand cœur. » »« Et moi, j'accepte aussi de grand cœur. Seulement, lorsque vous viendrez, Ernestine, que ce soit à 9 heures, car à 10, je commence ma tournée de leçons. Voyons, quel jour viendrez-vous » Mademoiselle de Beauménil fut tirée du nouvel embarras où elle se trouvait par la Providence, qui se manifesta sous l'aspect d'un charmant sous-officier de hussard qui n'était autre qu'Olivier. Fidèle à la compatissante promesse qu'il avait faite à Mademoiselle Herbault, le digne garçon venait, par charité, inviter Ernestine pour la prochaine contredanse. Olivier, après avoir salué Herminie d'un air à la fois respectueux et cordial, s'inclina devant Mademoiselle de Beauménil avec une politesse parfaite et lui posa cette question sacramentelle. « Mademoiselle veut-elle me faire l'honneur de danser la première contredanse avec moi ?»